Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Nathalie Quinard au microphone. Après la matière sombre et l'énergie noire, nous allons maintenant plonger dans un autre monde obscur, celui de la prostitution. Notre chroniqueuse, Julie Rouleau, est sexologue. Elle était la semaine dernière à la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, ce qui l'a inspirée à nous faire un portrait de la prostitution au Québec. Bonjour Julie. Bonjour Nathalie. C'est un plaisir de te rencontrer. Cette semaine, je vais vous entretenir de la version contemporaine d'une problématique qui fut bien longtemps une réalité, une normalité, un divertissement, un sujet tabou. Nonobstant tout objectif, une réalité ancrée dans la violence. Aujourd'hui, j'aborderai avec vous, comme tu l'as dit Nathalie, l'exploitation sexuelle, la prostitution. Donc, comme tu l'as dit aussi, c'est tout juste la semaine dernière que l'Assemblée nationale, dans sa salle Marie-Claire Kirkland, a accueilli la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. C'est sur 4 journées, différents experts ont mis la lumière sur cette réalité contemporaine qui prend place dans toutes les régions du Québec. Pour faire œuvre utile, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter cette problématique que je vais accompagner du regard juste de l'anthropologue Rose Dufour, qui, malgré sa retraite en 1996, a mis au monde la Maison de Marthe, un organisme qui accompagne les femmes vers la sortie de la prostitution et que j'ai eu la chance d'entendre à la commission mardi dernier. Un sujet d'actualité, donc, Julie. Afin de mettre en contexte nos auditrices et nos auditeurs, existe-t-il une définition de l'exploitation sexuelle? Eh bien oui, Nathalie, ça semble évident. Toutefois, celle-ci est assez récente. Le secrétariat à la condition féminine emploie cette définition de l'exploitation sexuelle. Donc, à travers ces multiples manifestations, l'exploitation sexuelle implique généralement une situation, un contexte, une relation où un individu profite de l'état de vulnérabilité ou de dépendance d'une personne ou de l'existence d'une inégalité de rapport de force dans le but d'utiliser le corps de cette personne à des fins d'ordre sexuel en vue d'en tirer un avantage. Donc, il peut s'agir d'un avantage pécuniaire, social ou personnel, telles que la gratification sexuelle ou toute autre forme de mise à profit. Donc, l'exploitation sexuelle peut s'inscrire dans une logique commerciale. C'est le cas pour la marchandisation des services sexuels en échange d'argent, de biens, de drogue, d'hébergement, ainsi que pour le tourisme sexuel. Au Canada, la traite des personnes est dans une majorité des cas menée en vue d'exploiter sexuellement les victimes, donc elles sont contraintes par la violence, menaces ou autres moyens de coercition. Donc, finalement, la commission a abordé l'exploitation sexuelle sous l'angle qu'elle s'est fixée. Hein. Elle a parlé de victimes et de clients abuseurs, qu'ils soient conscients ou non d'un contexte d'exploitation. Peux-tu nous parler, Julie, brièvement, du cadre légal? Ben oui, tout à fait. L'obtention de services sexuels et de personnes mineures et le fait de bénéficier d'avantages matériels qui en découlent sont illégaux au Canada. Donc, le Code criminel contient plusieurs articles à ce sujet. Donc, l'article 153, l'exploitation sexuelle est une infraction qui s'applique dans les cas où des adolescentes et adolescents sont contraints de poser des gestes sexuels par une personne en autorité ou lorsqu'ils sont en situation de dépendance. Les articles 286.1 et 286.5 concerne la marchandisation des services sexuels, donc la prostitution. En elle-même, l'obtention de services sexuels moyennant rétribution est illégale. Des peines plus sévères sont prévues lorsque la victime est mineure. Il y en a de même pour le proxénétisme et pour le fait de bénéficier d'avantages matériels de la prostitution. En plus, un individu qui fait de la traite des personnes, y compris la traite vouée à l'exploitation sexuelle, est passible d'une peine selon le Code criminel. Il est à noter, là, c'est très important, que les personnes qui offrent leurs services sexuels sont considérées comme des victimes, donc sont pas criminalisées, sauf dans les exceptions prévues à la loi. Cette distinction a pour objectif de faciliter la dénonciation des exploiteurs et des agresseurs tout en ciblant les clients. Et est-ce qu'on connaît l'ampleur du phénomène au Québec? Bien, l'exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène complexe, considérant que son objectif, c'est que le système demeure invisible. On maquille la réalité, pornographie, salon de massage, travailleuses volontaires et autonomes. Son ampleur est donc difficile à cerner. Plusieurs sources indiquent qu'il s'agit d'une réalité en croissance et qu'elle est présente partout au Québec. Elles se concentrent, en fait, dans les centres urbains et beaucoup dans la région de Montréal. Le service de police de Québec a affirmé récemment ici qu'ici à Québec, au moins une centaine de filles travaillent chaque jour. Le service de police de Québec fait d'ailleurs un travail exceptionnel en rencontrant les filles afin de leur faire connaître leurs droits et en travaillant avec les hôteliers de la région. Finalement, selon les intervenants entendus, en fait, si on désirait vraiment connaître l'ampleur du phénomène, un recensement serait à faire et celui-ci devrait concerner les lieux où se déroule l'exploitation sexuelle. Et qui sont les femmes et les filles dans le domaine de la prostitution? Alors là, telle est la question. Hein. Il est primordial de dire qu'aucun milieu n'est à l'abri du recrutement à des fins d'exploitation sexuelle. Selon les différentes études, 60% des filles et des femmes qui y sont entrées alors qu'elles étaient mineures. Et dans l'avis du Conseil du statut de la femme datant de 2012, la prostitution, il est temps d'agir, on parlait plutôt de 80%. L'âge d'entrée est, selon différentes sources, entre 14 et 15 ans, donc extrêmement jeune. Une chose est certaine, selon Madame Dufour, les filles et les femmes sont toutes victimes. La femme n'est que la marchandise, elle est organisée par le producteur et le consommateur de prostitution. Et qu'est-ce qui conduit les filles et les femmes à la rue? En fait, c'est la rue qui est venue à leur rencontre. Hein. Il n'y a pas d'histoire heureuse qui conduit à la rue. Ce sont des adolescentes en survie. Pas nécessairement des fugueuses. Une fugue voudrait dire qu'elle quitte une bonne situation. Elle fuit davantage, souvent un danger dans la maison, dans un centre d'accueil, un appartement. N'importe qui ne peut pas se prostituer comme on ne devient généralement pas prostitué du jour au lendemain. Les événements en contexte familial et social les préparent. Ces filles ont vécu des expériences sexuelles marquantes qui ont influencé et orienté leur parcours de vie. Les incestes, autres actes pédophiles, des abus, agressions sexuelles et autres marquages sexuels produits sur elles, le plus souvent à l'intérieur même de leur famille. Donc, Madame Dufour classait les filles en trois catégories. Des filles qui sont mises à la rue très jeunes, des filles qui décident de partir pour sauver leur vie et leur santé mentale, et les aventureuses hein, qui font l'objet de plusieurs passages médiatiques, là, comme la série qu'on a vue l'an dernier à la télé. Oui, en effet. Et est-ce qu'il y a également des hommes et des garçons? Ben, en fait, les femmes représentent près de 90% des victimes d'exploitation sexuelle. Donc, leurs motivations peuvent être d'ordre affectif ou expliquées par leurs besoins d'argent. Leur réalité diverge, mais un point les réunit, elles ne s'engagent jamais dans une dynamique d'exploitation sexuelle en toute connaissance. Les motivations des jeunes hommes sont différentes et seraient davantage liées à des questions de survie, logement, nourriture. Ils ne sont pas nécessairement sous l'emprise d'un proxénète. À l'heure actuelle, l'information sur les formes d'exploitation sexuelle des jeunes hommes est très limitée. Et qu'en est-il des proxénètes, Julie? Ben, en ce qui concerne les proxénètes et les trafiquants de personnes à des fins d'exploitation sexuelle, ils sont de toute origine et ils proviennent de toutes les couches de la société. Selon le portrait du service de renseignement criminel du Québec, 85% des proxénètes sont des hommes, 15% sont des femmes, et ces dernières ont pour la majorité été victimes elles-mêmes, et ce serait pour elles une façon, entre guillemets, de s'en sortir. Les proxénètes ne sont pas systématiquement affiliés à des groupes criminalisés ou reliés aux gangs de rue. Toutefois, les suspects impliqués dans plus d'un dossier de proxénétisme sont majoritairement reliés à des gangs de rue. Vraiment intéressant. Merci à toi, Julie, de nous avoir levé ce voile sur un pan obscur de notre société. Mais merci. Puis le mot de la fin, ce n'était qu'une introduction, en fait. Donc, je vous invite à vous y intéresser puis ainsi contribuer au dialogue social qui entoure cette réalité empreinte de violence qui est souvent minimisée et discréditée. Bonne semaine. Alors, on fait une pause sur CKRL 89.1 et au retour, on descend dans les profondeurs de la Terre pour faire le point sur la géothermie.